Bonjour, je vous invite à faire une pause de 5 minutes. 5 minutes pour prendre le temps de respirer en pleine conscience. 5 minutes pour être ancré dans l'instant présent. Commencez par vous installer confortablement. Fermez doucement les yeux pour vous intérioriser, tout en posant votre attention sur votre souffle. Prenez 3 grandes inspirations et poussez chaque expiration le plus loin possible pour chasser entièrement l'air de vos poumons. Laissez désormais votre souffle reprendre son rythme naturel. Explorez avec curiosité le parcours de l'air qui entre dans vos narines, chatouille votre gorge et pénètre dans vos poumons. Sentez votre corps onduler au rythme de votre respiration. Si vous le souhaitez, posez une main sur votre ventre et sentez comme elle monte et elle redescend à chaque respiration. Si votre esprit s'évade, ce n'est pas grave. Ramenez-le sur votre souffle avec bienveillance. Rien n'est plus important que cette respiration, si ce n'est celle-ci. Ou bien celle-ci. Élargissez votre champ de conscience et posez désormais votre attention sur vos sensations physiques. Notez tout ce qui entre en contact avec votre corps. L'air qui caresse votre peau. Les sensations que provoquent les vêtements que vous portez. Les zones de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé. Que percevez-vous dans le dos, dans vos cuisses, dans vos bras? Que provoque le contact de vos pieds avec le sol? Il est possible que vous ne ressentiez rien de particulier, ce n'est pas grave. Respirez simplement. Vous êtes parfaitement ancré, ici et maintenant. Lorsque la cloche retentira, prenez tout votre temps pour reprendre vos activités. Mais surtout, n'oubliez pas de vous remercier pour ce précieux moment que vous vous êtes accordé.